Femme battue, nanana. Homme dangereux, nanana. Des promesses, nanana. Entendues, nanana. On se fout, nanana. On sature, nanana. Injustice, nanana. Propos durs, nanana. On vient faire, nanana. Se remémorer, nanana. Partie 30 ans, nanana. Loin de nous, nanana. Des victimes, nanana. Des silences, nanana. Des amants, nanana. Au paradis, nanana. Femme battue, déjà vu. Homme dangereux, déjà vécu. Des promesses, déjà faites, entendues, jamais sincères. On se fout, des abus. On sature, déjà bu. Injustice, déjà dit. Propos durs, jamais sincères. On vient faire, des aveux. Se remémorer, des amis. Partie trop tôt, déjà plus. Loin de nous, et toujours ancré. Des victimes, déjà cul. Des silences, des années. Des hommes, des hommes. Au paradis, faire des dents. Ils étaient pas compatibles, ils la trouvaient piquante. La parole trop assassinée, plus autant attirante. Elle était de moins en moins câline, le trouvait plus si grand. Ils ont pas su s'y prendre quand s'est installée la distance. Ils étaient pas faits pour cohabiter ces flagrants. S'en sont allés les attentions qui se portaient auparavant. Ils la pensaient très méchante, elle disait que c'est trop gentil. Mais se sont-ils déjà demandé ce qu'elle a subi adolescente? Le sujet devient sensible, dis-toi qu'on n'a pas attendu les 30 balais pour porter plainte et qu'on n'est pas apprenti. Respect de la femme étendue, hashtag MeToo rallume une flamme éteinte. Ça parle pervers, pour sa part c'était un Francis. Le sujet devient sensible, dis-toi qu'on n'a pas attendu les 30 balais pour porter plainte et qu'on n'est pas apprenti. Respect de la femme étendue, hashtag MeToo rallume une flamme éteinte. Ça parle pervers, pour sa part c'était un Francis. Déjà vu, déjà vu, déjà vécu, déjà vécu, déjà fait, déjà fait, jamais sincère, jamais sincère. Des avis, des avis, des abus, des abus, déjà dit, déjà dit, jamais sensé, jamais sensé. Des aveux, des aveux, des amis, des amis, déjà plus, déjà plus, mais toujours ancré, mais toujours ancré. Déjà accuse, déjà accuse, des années, des années, des hommes, des hommes, interdit d'entrer, interdit d'entrer. Femme battue, déjà vu, homme dangereux, déjà vécu, des promesses, déjà faites, entendu, jamais sensé. On se fout, des abus, on sature, des abus, injustice, déjà dit, propos durs, jamais sensé. On vient faire, des aveux, se remémorer, des amis, parti trop tôt, déjà plus, loin de nous, mais toujours ancré. Victime, déjà vu, des silences, des années, des hommes, des hommes. Au paradis, interdit d'entrer. Paraît que c'était ton élu, tu l'as su dès le départ. En vrai, t'hésites entre le choix du cœur et celui de tes parents. Enfin, ça me rappelle l'histoire d'un mariage heureux qui part en live. Et d'un ou deux inconnus ne se sont plus jamais séparés. C'était la femme de ta vie, tu l'as laissée dans les bras d'un autre. C'était écrit, t'as pas lu, mais t'as retenu, v'là les fautes. C'était ton rôle d'époux de pas s'égarer dans l'entracte. Et son rôle d'épouse de couper court avant le dernier acte. Elle avait beau tenir couple et coup, il en avait l'impact. Par miracle, elle jouait côté court et jusqu'au kick en trop. Combien de femmes va-t-on condamner, combien de drames prévoit le metteur en scène avant que se lève le spectateur du théâtre. Le sujet devient sensible, dis-toi qu'on n'a pas attendu les 30 balais pour porter plainte et qu'on n'est pas apprenti. Respect de la femme étendue, hashtag MeToo rallume une flamme éteinte. Ça parle de mari, pour sa part c'était un renti. Femme battue, déjà vu, homme dangereux, déjà vécu, des promesses, déjà faites, entendues, jamais sincères. On se fout, des abus, on sature, des abus, injustice, déjà dit, propos durs, jamais sensés. On vient faire, des aveux, se remémorer, des amis, parti trop tôt, déjà plus, loin de nous, mais toujours ancré. Des victimes, déjà accuses, des silences, des années, des hommes, des hommes. Au paradis, interdit d'entrer. Femme battue, déjà vu, homme dangereux, déjà vécu, des promesses, déjà faites, entendues, jamais sincères. On se fout, des abus, on sature, des